L'actualité en trois titres, le défilé du 14 juillet, nous rejoindrons nos envoyés spéciaux sur les Champs-Élysées. Nous entendrons également le général Desportes qui estime que l'armée est socialement au bout du rouleau. Le foot, l'Allemagne championne du monde avec ce but dans les dernières minutes des prolongations. Nous rejoindrons Cyril de la Morinerie à Rio. Et puis retour sur ces échauffourées d'hier aux abords de synagogue parisienne du quartier de la Bastille. Précision sur ce qui s'est vraiment passé. Europe Midi, votre journal. Et le journal est présenté par Mélanie Taravant. Bonjour Mélanie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Les célébrations du 14 juillet avec le défilé sur les Champs-Élysées qui vient de se terminer. Le chef de l'État a essuyé quelques coups de sifflet sur son passage. Une dizaine de militants d'extrême droite et des intermittents du spectacle en colère. Mais ça n'a pas gâché la fête. Jeanne Daudet, vous êtes en direct des Champs-Élysées depuis ce matin. Et oui, écoutez, ici, il y avait une foule immense, massée derrière les barrières. Et pour bien voir, certains se sont mis sur des tabourets, des escabeaux, d'autres ont préféré des bancs, des abribus ou sont carrément montés dans les arbres. Émilie, sur la pointe des pieds, voit passer devant elle son ami Adrien qui défile avec l'école polytechnique. Ils sont beaux, hein ? Ils sont bien synchro. On voit que c'est tout bien réglé. Ils ont leur épée au bras droit. Donc voilà, ils nous ont expliqué qu'ils avaient beaucoup répété cette semaine. Et ils sont levés de bonne heure ce matin. Et on est super fiers de voir défiler. C'est vrai, on vient pas d'habitude de défiler. C'est vraiment génial, c'est impressionnant. Hein. Et peu à peu, toute l'armée française descend les Champs-Élysées. La foule les photographie, bien sûr, mais n'applaudit qu'une seule brigade, celle des sapeurs-pompiers. Voilà, c'est la tradition. Comme chaque année, ce sont bien les soldats du feu les plus appréciés. Mais c'est l'ensemble, l'unité de ces troupes qui a ému Mathilde au premier rang. Elle ne regrette pas une seconde d'avoir décalé ses vacances pour être là. Tous les ans, c'est quelque chose que je regarde à la télévision. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien d'aller le voir en vrai pour l'ambiance. Et puis ça fait quand même quelque chose de voir tous ces militaires en train de défiler à un rythme cadencé. C'est assez impressionnant, en fait. Et elle est belle, cette armée, elle est... Oui, là, je la trouve très belle, oui. Là, elle me fait rêver. Et pour Mathilde, le rêve va continuer cet après-midi puisque les hommes qui ont défilé ce matin vont partir à la rencontre du public. Maintenant, ils seront positionnés sur 11 sites à Paris et en petite couronne. Merci Jeanne Daudet en direct des Champs-Élysées. Et sur les Champs-Élysées, on retrouve également Didier François, spécialiste défense pour la rédaction d'Europe 1. Didier, vous avez suivi le défilé depuis son ouverture ce matin avec le traditionnel balai aérien. Alors, quels ont été les points forts de la matinée ? Alors, beau défilé déjà avec voilà une belle présentation, pas de pluie. Grande tenue, grand format, 3700 hommes, 300 véhicules, une cinquantaine d'avions, une quarantaine d'hélicoptères, tous les matériels en fait les plus modernes de l'armée française, hein, ceux qui sont engagés dans les opérations extérieures au Mali, en Centrafrique ou bien dans les missions de maintien de la paix comme le Liban. Alors, on a vu des drones, ces avions sans pilote qui sont de nos jours totalement indispensables pour collecter le renseignement. On a vu les dernières générations d'hélicoptères, le Caïman et puis le Tigre, hein, cette espèce de char volant. Mais alors, l'unité qui a le plus attiré l'attention du public cette année, ce sont les maîtres-chiens du 132e bataillon de cynophiles. C'est une unité très particulière qui a défilé avec 76 malinois et bergers allemands. Tous portaient leur décoration car quasiment tous ces chiens ont connu le combat en Afghanistan pour la plupart et se sont vus remettre des médailles pour leur courage, tout comme leur maître. Hein. C'est une tradition qui remonte à la Première Guerre mondiale, à la Grande Guerre, dont on a commémoré le centenaire ce matin sur les champs. C'était l'autre temps fort du défilé, 68 délégations, dont pour une parade aux drapeaux, aux emblèmes, 68 drapeaux, chacune présentée par une garde d'honneur aux uniformes parfois très chamarrés. Alors je vous l'avais déjà dit ce matin, mais on a eu les Britanniques par exemple en tunique rouge avec des bonnets à poils d'ours, mais les Grecs aussi avec des jupes et puis des chaussures à pompons, les Bulgares en tenue passementée avec des shakos à plumes, tout ça dans une atmosphère très festive, très amicale, bien que recueillie par respect pour tous les morts de la Grande Guerre, quel que soit leur camp, car ici tous les anciens ennemis sont désormais des alliés. Alors Didier, on va vous retrouver dans un petit instant, mais il faut dire que ce défilé s'est déroulé dans un contexte particulier pour la défense qui souffre de restrictions budgétaires. Et selon le chef de l'état-major des armées interviewé dans le Figaro, les forces françaises sont à 120% de leur capacité. Un avis est partagé par le général Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, interrogé ce matin sur Europe 1. L'armée française aujourd'hui voit ses conditions de vie, ses conditions de travail, ses conditions d'exécution de son métier se dégrader en permanence. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment au bout. L'armée française subit un plan social comme aucun corps de l'État n'en a subi. 80 000 personnes sont virée de l'armée sans quitte l'institution en 10 ans. Je rappelle que l'institution militaire représente à peine 10% de la fonction publique et que chaque année, 2 des fonctionnaires sur 3 qui quittent l'institution, la fonction publique, sont des militaires. Alors Didier François, vous êtes toujours avec nous en direct des Champs-Élysées. Est-ce que cette inquiétude, on la ressent parmi les militaires qui ont fait le défilé ce matin ? Alors en général, évidemment, les militaires sont inquiets pour leur budget. On sait que les restrictions budgétaires sont très dures. On en a discuté encore hier soir. Le président de la République et le ministre de la Défense sont intervenus à l'hôtel de Brienne devant les militaires pour les rassurer sur le fait que la loi de programmation militaire, les budgets ne seraient pas coupés. Mais aujourd'hui, franchement, non, on le sent pas dans le défilé, parce que dans le défilé, c'est la nation et son armée qui se retrouvent. C'est une grande fête. En plus, les unités qui défilent ici, c'est l'autre aspect des armées françaises. C'est aussi les opérations extérieures qui sont des vrais succès. C'est un vrai professionnalisme, un vrai savoir-faire, un vrai modernisme. Donc c'était plutôt ça qui aujourd'hui touchait les militaires, c'est ce rapport au public et ce rapport au cœur de leur métier, les engagements extérieurs. Merci Didier François, spécialiste défense pour Europe 1. Et tout à l'heure, 13h15, interview du président de la République François Hollande. Elle sera diffusée à la télévision, mais aussi en direct sur Europe 1. Et elle devrait durer une demi-heure. Alexandre Carra, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service politique d'Europe 1. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de cette intervention ? Écoutez Mélanie, ça sera une intervention qui aura forcément une forte tonalité économique. Il y sera bien sûr question de cette croissance qui se fait toujours attendre, des nouvelles mesures pour tenter d'endiguer un chômage qui n'en finit pas de monter, et bien sûr de la question de la pression fiscale dont le gouvernement espère amorcer la décrue en 2015. Le président de la République tentera également de remettre en perspective l'action du quinquennat, mais aussi de se tourner vers l'avenir, avec l'idée qu'après le temps des économies viendra en 2015 le temps des réformes touchant la vie quotidienne des Français, comme la santé, le vieillissement ou la transition énergétique. Bien sûr, François Hollande sera aussi interrogé une nouvelle fois sur l'UMP, sur les affaires touchant Nicolas Sarkozy, et il devra en profiter pour relancer une réforme majeure, celle du Conseil supérieur de la magistrature. Cette réforme qui vise à augmenter le nombre de magistrats au sein du CSCM et à donner plus d'indépendance à la justice. Bref, une intervention importante pour François Hollande, alors qu'il connaît une très légère embellie dans les sondages. Il devra démontrer qu'il est capable de poursuivre le processus de représidentialisation qu'il a entamé depuis quelques semaines. Merci Alexandre Carra, vous êtes chef du service politique d'Europe 1. Au Proche-Orient, 7e jour consécutif de frappes israéliennes. À Paris ce week-end, des manifestations pro-palestiniennes se sont terminées par des heurts, tout près d'une synagogue dans le 11e arrondissement. Naomi Schulz, vous êtes journaliste au service police-justice d'Europe 1. Que s'est-il passé exactement ? Eh bien, la manifestation avait commencé dans le calme hier après-midi, au départ de Barbès, dans le nord de Paris. 7000 personnes, d'après la police, marchent alors derrière une banderole. Soutien total à la lutte du peuple palestinien. Un premier incident a lieu dans le quartier du Marais quand des manifestants tentent de dévier le cortège en direction d'une première synagogue. Les gendarmes mobiles réussissent à calmer le jeu. Un peu plus tard, à la fin du défilé, place de la Bastille, plusieurs dizaines de pro-palestiniens s'engouffrent rue de la Roquette en direction d'une seconde synagogue avec l'intention d'y rentrer. Visage masqué, slogan antisémite, ils se heurtent violemment à des militants de la LDJ, la Ligue de Défense Juive. Il y a des insultes de part et d'autre, des chaises, des projectiles qui volent. 2 membres de la communauté juive sont légèrement blessés, 6 policiers également. Les policiers et les gendarmes qui ont attendu que le calme revienne, que tout rentre dans l'ordre, pour laisser sortir les centaines de fidèles rassemblés à l'intérieur de la synagogue. 8 personnes ont été interpellées hier soir. Elles sont ce matin toujours en garde à vue. Merci Noémie Leschulz. Et voici la réaction de Roger Kuckermann, le président du CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France, au micro de François Chevrier. Ce sont des événements d'une gravité extrême, du jamais vu. Sous couvert d'un conflit à 4000 km de la France, on importe le conflit en le transformant en antisémitisme violent au point d'aller attaquer avec des groupes de 100 à 200 personnes deux synagogues. Les fidèles qui étaient à l'intérieur de la synagogue de la Roquette sont restés enfermés pendant 2 heures, 200 personnes bloquées. En France, en 2014, le pays de la liberté, on se demande où va la France. Donc nous demandons aux autorités, du président de la République, Premier ministre, d'interdire ces manifestations dans la rue, de soutien aux Palestiniens, aux Hamas, peu importe, parce que ça a des conséquences dramatiques. Il y a eu des cris de mort aux Juifs au micro Là, il y a vraiment une rupture du pacte républicain. Le président du CRIF, Roger Kuckermann, au micro de François Geffrier. Et tout à l'heure, on revient justement sur cette question. Faut-il craindre une importation du conflit israélo-palestinien en France? Nous serons avec Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, qui a signé un livre intitulé « La France malade du conflit israélo-palestinien ». Mélanie Tervant. En Italie, les manœuvres titanesques sont en cours sur l'île de Giglio. L'opération de renflouement du Costa Concordia, qui a fait naufrage en janvier 2012, sont en cours. Virginie Riva, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Italie et vous avez assisté aux premières manœuvres. Ce matin, le plus dur est passé. Oui, ce matin vers 11h, c'était l'un des moments les plus critiques de l'opération parce qu'il fallait détacher le navire de la plateforme sous-marine et le faire flotter, avec le risque que le bateau casse. Une opération encore jamais tentée sur un bateau de cette taille. Aussi à l'instant, l'ingénieur responsable de l'opération pour la compagnie Costa, Franco Porcellacchia, s'est réjoui de cette performance. La bonne nouvelle, c'est que le bateau s'est désormais détaché de la plateforme. Ce matin, tout s'est déroulé exactement comme nous pensions que ça allait se dérouler. Donc c'est vraiment positif, car maintenant, eh bien le bateau est droit. Le bateau est donc droit et il flotte à un mètre du fond grâce aux caissons qui sont disposés de chaque côté. Des caissons qui ont été vidés de leur eau. On a vu d'ailleurs il y a quelques minutes l'eau en sortir. Reste maintenant à faire remonter le bateau d'un mètre supplémentaire et enfin de le déplacer de 30 mètres vers l'est. Une opération qui au total va dépasser le coût d'1,5 milliard d'euros selon ce que vient d'annoncer le PDG de Costa Croisière. Virginie Riva, correspondante d'Europe 1 en Italie. Un nouveau logo sur les cartes de restaurants à partir de demain pour indiquer qu'on propose de la cuisine fait maison. Mélanie Nunes, comment est-ce qu'on va le repérer? Eh bien, il sera dessiné à la main sur les ardoises et cartes des restaurants. C'est un petit logo noir et blanc qui ressemble à un dessin d'enfant, une casserole avec un couvercle en forme de toit de maison. Mais pour obtenir ce logo, il faut que les restaurateurs répondent à un cahier des charges très strict. Ils devront recevoir des produits bruts comme des légumes ou encore de la viande qu'ils transformeront ou cuisineront eux-mêmes. Ils pourront obtenir ce logo même si ces aliments arrivent tranchés, pelés, coupés, décortiqués ou encore congelés en cuisine. Seule exception, les frites. Pas question de se faire livrer ses frites prédécoupées en sachets pour avoir le logo fait maison. Les pommes de terre devront arriver entières et non pelées en cuisine. Le but, empêcher les chaînes de restauration rapide d'afficher un logo fait maison. Pourtant, même le milieu de la restauration reste divisé, car le vrai fait maison coûte cher et mobilise davantage de salariés, ce qui pourrait évidemment faire grimper les prix des plats. En tout, ce sont près de 135 000 restaurants et enseignes de restauration rapide qui adopteront ce label en France. Ils auront jusqu'au 15 janvier 2015 pour s'inscrire. Merci Mélanie Nunes. Et on en parle tout à l'heure d'ailleurs à 13h05 avec Alain Fontaine qui est président des maîtres restaurateurs au syndicat national justement des restaurateurs. Tout de suite la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de la FIFA. Place au football. C'est sur Europe 1. Coupe du Monde qui se termine par le triomphe de l'Allemagne, Mélanie. Eh oui, elle a battu l'Argentine 1-0 après prolongation au grand désespoir des commentateurs argentins. But de l'Allemagne. Götze. But de l'Allemagne. Il reste 7 minutes et je dois dire la vérité. Merci pour tout, on a manqué la coupe de peu. Et on n'a pas pleuré comme les Brésiliens. Si ça ne marche pas, merci les amis, merci pour tout. Mais il reste encore 6 minutes et je crois au miracle. Mais non, le miracle n'a pas eu lieu. Et non, explosion de joie en revanche en Allemagne, notamment à Berlin. 250 000 personnes ont crié leur joie dans les rues. Reportage sous les yeux de l'envoyé spécial d'Europe 1, Mathieu Bock. Depuis le but inscrit par Mario Götze, l'ambiance qui était un peu froide jusque-là est revenue parmi les supporters. Mais c'est au coup de sifflet final qu'elle explose. Les supporters s'enlacent alors, pleurent, s'embrassent et dansent en passant d'un groupe à l'autre. À la fin, j'avais tellement peur et puis ça a été le soulagement ultime. J'ai pleuré, j'en pouvais plus, j'arrive pas à y croire. On est champion du monde. C'est génial. On a fait la route exprès depuis Leipzig pour vivre ça ici. C'était un rêve et maintenant c'est la réalité. Des fumigènes jaillissent de la foule, un DJ pousse la musique à fond, des spots balayent la porte de Brandebourg. Et pendant que les joueurs défilent sur l'écran géant le trophée à bout de bras, Béatrice essuie ses larmes avec son drapeau. C'est une sensation incroyable, surtout d'avoir vécu ça ici à Berlin avec tous ces gens ensemble. C'est génial. J'y ai toujours cru, j'ai pas douté un seul instant car je sais que mon équipe se battra toujours jusqu'au bout. Et pendant que certains courent torse nu entre les files de voitures qui klaxonnent, un feu d'artifice explose dans le ciel allemand en même temps que celui qui clôture la Coupe du Monde à Rio. Berlin, Mathieu Bock, Europe 1. Et c'est une courte nuit aussi pour tous les envoyés spéciaux d'Europe 1 au Brésil, où vous êtes toujours Cyril de la Morinerie. Alors, est-ce que cette victoire de l'Allemagne est méritée ? Oui, alors c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné, hein, Mélanie, pas seulement parce qu'elle termine avec la meilleure attaque, 18 buts, qu'elle possède dans ses rangs Miroslav Klose, désormais meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 16 buts, ou encore Thomas Müller, qui à mon avis méritait plus le trophée de meilleur joueur du tournoi que Lionel Messi. L'Allemagne, c'est vraiment la formation la plus homogène, avec des joueurs qui se connaissent bien. 6 titulaires évoluent donc au Bayern de Munich. Il y a un grand gardien, Neuer, une équipe très sympathique aussi, hein. Les joueurs ont fait une haie d'honneur hier pour féliciter les Argentins de leur parcours. Ils ont réconforté aussi les Brésiliens, on s'en souvient, après leur naufrage en demi-finale. Ça, c'est vraiment une chose très positive. Dans ce tournoi aussi, je retiens l'organisation. On a beaucoup parlé des retards dans la construction des stades. Eh bien, ils étaient tous prêts et de grande qualité. Enfin, le nombre de buts, 171. Le record, donc, égalé de la Coupe du Monde 98. Hein. Cyril, on retiendra aussi ces gros déçus de la Coupe du Monde. On pense bien sûr au Brésil. Oui, alors le Brésil rêvait de remporter effectivement sa Coupe du Monde après cette défaite en 1950 en finale qui a laissé beaucoup de traces. Mais ce n'était qu'un rêve, hein. La réalité, eh bien, c'est que hormis Neymar, cette équipe ne produit pas un beau football. La victoire l'an dernier en Coupe des Confédérations n'était qu'un leurre et il faudra de longues années pour que le Brésil reconstruise son football. Formation, transfert, tactique, faut tout revoir. On retiendra aussi la fin du règne de l'Espagne balayée par la Hollande, notamment 5-1. La surprise du groupe D. On attendait l'Angleterre et l'Italie et ce sont finalement le Costa Rica et l'Uruguay qui se sont qualifiés pour le 8e de finale. Dans les flops, je mettrai aussi le geste du défenseur colombien Zuniga qui aurait pu envoyer Neymar sur une chaise roulante. Et dans les peu mieux faire, l'arbitrage parfois un peu laxiste où l'on a vu des arbitres protéger la qualité du jeu, mais ils auraient pu aussi protéger l'intégrité des joueurs à l'image de Schweinsteiger hier qui a eu la pommette ouverte. Merci Cyril de la Morinerie, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 au Brésil dans le journal de Mélanie Taravant qui revient tout à l'heure à 13h. La météo avec Valérie Darmon. Bonjour Valérie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. De moins en moins d'instabilité dans votre ciel aujourd'hui. Absolument, je confirme et je signe. Nous avons eu ce matin des averses encore à l'est du Rhône et de la Saône, mais les éclaircies commencent à revenir. Partout ailleurs, c'est déjà fait d'ailleurs, du sud de la Garonne et notamment de l'Aquitaine au Midi-Pyrénées, ainsi que du Nord-Pas-de-Calais au Massif central, avec en région parisienne encore un tout petit risque d'averses qui se maintient jusque dans les heures à venir. En soir, et en Bretagne, vous pouvez être un petit peu arrosé aussi sur la pointe Finistère aux alentours du tir des feux d'artifice. En Méditerranée, il fait beau grâce au Mistral et à la Tramontagne qui continue de souffler, mais de souffler modérément. Les températures, elles remontent enfin. Elles gagnent 2 à 3 degrés par rapport à hier, tout en restant toujours inférieures au normal de saison. Entre 19 à Cherbourg, 22 à Pontoise, 25 à Toulouse et 28 du côté de Perpignan. Nous avons aussi 22 degrés à Paris, 24 à Bordeaux, Strasbourg et Lyon. Et demain ? Alors, retour de l'été. Là, c'est vraiment confirmé par le sud de la France. Les nuages sont nombreux encore avec quelques gouttes près de la Manche le matin jusqu'au Pays de la Loire. Vers les Charentes, les Ardennes ou les Alpes, on aura encore un petit peu de brouillard, mais qui va se dissiper assez vite. Dans l'après-midi, ces nuages qui vont progresser un petit peu sur la moitié nord jusqu'à la Loire, mais partout ailleurs, le soleil qui va dominer du matin au soir. Merci Valérie Darmon. On vous retrouve tout à l'heure à 13h05. N'oubliez pas qu'à 13h15, nous diffuserons en intégralité l'interview du président de la République, François Hollande. Décryptage à suivre avec Alexandre Carra, chef du service politique d'Europe 1. Mais dans un instant, on s'interroge sur cette question. Faut-il craindre une importation du conflit israélo-palestinien en France au regard des échauffourées qui ont eu lieu hier soir dans le quartier de la Bastille? Nous sommes avec Pascal Boniface de l'IRIS. À tout de suite. Europe Midi, votre journal. 12h30, 14h. Pierre de Villeneuve. Et retour donc sur ces échauffourées qui ont eu lieu hier soir dans le quartier de la Bastille à Paris. Des jets de projectiles aux abords de deux synagogues, des militants pro-palestiniens venus crier leur colère au bout d'une semaine de conflit avec, eh bien, sur place à la clé, ces raids aériens quotidiens de l'armée israélienne qui ont fait plus de 100 morts ces derniers jours côté palestinien. Bilan à Paris, 2 membres blessés de la communauté juive, 6 policiers et 8 interpellations au total. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Merci d'être en duplex avec nous. Vous vous avez publié cette année La France malade du conflit israélo-palestinien aux éditions Salvator. Dans votre titre, vous dites La France malade, pourquoi ? Parce que c'est le conflit non pas le plus important sur le plan stratégique, c'est pas le conflit qui fait le plus de morts, il y a beaucoup plus de morts en Syrie ou dans d'autres guerres, mais c'est celui qui a le plus de répercussions sociales et politiques en France. Et c'est certainement un conflit à propos duquel les familles peuvent se déchirer, les amis peuvent ne plus se parler, il y a des débats extrêmement houleux et donc on l'a vu parfois également malheureusement des violences. Vous voulez dire qu'on n'ose pas dire les choses publiquement ? Alors en fait, il faut ouvrir le débat. Il y a toujours effectivement la peur d'en parler parce que ça divise l'audience, parce que ça fasse les gens. Et trop souvent, les responsables politiques ou les médias ne veulent pas aborder très concrètement le conflit de peur, je reprends l'expression consacrée, de mettre de l'huile sur le feu. Mmh. Mais en fait, quand on n'en parle pas, le débat, il existe de toute façon. Il peut prendre des formes plus sournoises. Donc je pense que le problème n'est pas l'importation du conflit du Proche-Orient en France. Il est déjà importé. Il est déjà importé avec des gens qui expriment leur solidarité avec Israël et d'autres qui expriment leur solidarité avec les Palestiniens. Donc le conflit, il est importé et depuis longtemps. Le vrai défi, c'est de permettre le débat et d'interdire les violences et de faire en sorte que l'on puisse parler librement, tranquillement, ouvertement de ce conflit, qui est un conflit important sur le plan stratégique, qui est un conflit important pour la société française. Mais c'est justement pas en interdisant le débat que l'on va ne pas générer de violence. C'est plutôt l'inverse. Alors justement, et donc, il faut être clair là-dessus. Pascal Boniface, le principe justement de ce journal, c'est votre journal, essayez de parler librement et beaucoup d'appels au 3921 pour réagir et vous interroger. Pascal Boniface, Joseph nous appelle de Courtenay dans le Loiret. Bonjour Joseph. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, moi le conflit, le gros problème peut-être de notre société, c'est que on n'a pas réussi à l'intégration, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre. Est-ce que la religion doit passer avant le pays? Moi je suis français et puis je suis chrétien. Je suis pas chrétien et puis français. Et peut-être que les uns comme les autres, s'ils pensaient à ça, et ça serait peut-être plus simple déjà. Mmh. Merci Joseph de votre commentaire. Pascal Boniface, on parle de religion, c'est plus un problème sociétal. Comment est-ce que l'un rejoint l'autre d'ailleurs ? Non, je pense que la religion est vraiment loin derrière. Sur place, le but de Netanyahou n'est pas de convertir au judaïsme les habitants de Gaza, et le but du Hamas n'est pas de convertir à l'islam les Israéliens. C'est bien un conflit qui est politique et territorial. La religion... Mais il y a des amalgames. Oui, bien sûr, c'est de l'amalgame, mais ce n'est que l'arrière-plan de cela. Et donc, je ne pense pas que le problème soit la religion. Le problème, il est politique et territorial sur place, et il est politique et social chez nous. Merci de votre réponse et merci à Joseph de nous avoir appelés. Vincent, Fabrice et beaucoup d'autres nous appellent au standard d'Europe 1. Liliane également, vous continuez de nous appeler. Nous sommes toujours avec Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS. À tout de suite. Votre journal. Pierre de Villeneuve. Faut-il craindre une importation du conflit israélo-palestinien en France ? Bien sûr, eu égard aux échauffourées qui ont eu lieu hier près de deux synagogues dans le quartier de la Bastille à Paris. Nous sommes toujours avec Pascal Boniface, le directeur de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Pascal Boniface, on se souvient de Jacques Chirac qui avait laissé une trace en 96 avec son fameux « What do you want ?». Il était en déplacement au Proche-Orient, il avait agrippé sévèrement les services de protection israéliens. Manuel Valls, lui, cette année, en début d'année, en a laissé une autre de trace. « Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël », a dit le Premier ministre. En France, aujourd'hui, quel positionnement ? Chacun peut prendre. Il n'y a pas, en fait, c'est une ligne de clivage qui traverse les partis politiques. Il n'y a pas la gauche d'un côté, la droite de l'autre. Et dans chaque formation politique, sauf peut-être chez les Verts et le Parti communiste, d'un côté qui sont plus proches des Palestiniens, et peut-être mais sinon, dans les autres formations politiques, l'UMP et le PS, il y a des partisans de chaque camp et des gens qui se sentent plus liés à Israël pour des questions personnelles ou de conviction, et des gens qui se sentent plus sensibles à la question palestinienne. Et là encore, donc, on se tait savamment, évidemment, pour ne pas aborder les choses de façon frontale. Il y a, dans les partis politiques, on ne débat pas vraiment de cela. Il y a vraiment un tabou qui, je crois, aggrave le problème. Lorsque un sujet est tabou, on ne résout pas le problème. Ce n'est pas en mettant la poussière sous le tapis que vous nettoyez la pièce. Et donc, je pense qu'il faudrait que chacun s'exprime librement et que le PS, l'UMP ait un véritable débat là-dessus. Mais c'est vraiment un débat interdit. C'est un débat interdit. Les gens, soit sincèrement, ont peur de mettre de l'huile sur le feu. Et je pense que là, c'est une politique de gribouille parce qu'ils font exactement l'inverse. Soit ils ont une partie liée et ils ne veulent pas que le débat ait lieu. Et je pense que ce n'est pas la bonne solution. Le débat est beaucoup plus libre sur ces questions-là dans un pays comme la Belgique, par exemple. Et nous, on est un peu tétanisés parce que effectivement, l'accusation d'antisémitisme dès que l'on critique le gouvernement israélien tétanise beaucoup de personnes. Et bien sûr, il est tout à fait normal de combattre l'antisémitisme, mais je crois qu'il faut arrêter de faire un amalgame entre la critique de l'action politique du gouvernement israélien et la critique raciste d'un peuple antisémitiste. Des questions, des réactions. Fabrice nous appelle de Paris. Bonjour Fabrice. Bonjour Pierre, merci de nous donner la parole. Une réaction par rapport à ce que vient de dire Monsieur Pascal Boniface et par rapport aussi à ce qui était dit pendant le journal. Je rappelle une chose, le Hamas est un mouvement terroriste. Donc le Hamas ne veut pas convertir les Juifs, non, il veut les jeter à la mer. Le Hamas a dans sa charte comme objectif principal la disparition de l'État d'Israël. Mmh. Une dernière chose, quand Monsieur Pascal Boniface dit qu'on ne parle pas assez librement du conflit israélo-palestinien. Moi, je suis l'actualité israélienne depuis que j'ai 13 ans. Mmh. Aujourd'hui, j'en ai 40. J'ai toujours eu des débats virulents avec des personnes qui revendiquaient la possibilité pour un État, pour les Palestiniens d'avoir un État. Ce à quoi moi aussi je suis favorable. Mais avec le Hamas, on ne peut pas discuter. C'est un mouvement terroriste. Le Hamas ne revendique pas... Je crois que personne n'a dit le contraire, hein, Fabrice. Hein, on a toujours dit que le Hamas était un mouvement armé, un mouvement radical. Pascal Boniface, vous êtes d'accord avec ça? Alors, le Hamas est effectivement considéré par les pays occidentaux et les États-Unis comme mouvement terroriste avec lequel il ne faut pas négocier. Ce qui, je pense, est une erreur parce que le Hamas représente une grande partie des Palestiniens et finalement, il y avait un grand union nationale. Le défi, c'est pas de faire disparaître le Hamas, c'est de l'intégrer dans le jeu politique. Auparavant, Yasser Arafat était lui-même considéré comme un terroriste. Et les dirigeants israéliens, avant la création de l'État d'Israël, étaient eux-mêmes considérés comme terroristes. Donc, les terroristes sont considérés comme terroristes à un moment donné, puis ensuite, on les recycle politiquement. Mais là où je suis d'accord avec monsieur, c'est qu'effectivement, d'un certain côté, le débat est beaucoup plus libre en Israël qu'en France. Merci beaucoup Fabrice de nous avoir appelé au standard d'Europe 1. Vincent est avec nous également. Vincent, bonjour. Oui, bonjour de Nice. Monsieur Devineau. Exactement, et bonjour à votre intervenant Monsieur Boniface. D'ailleurs, je vais relever un mot, il a raison, il y a un amalgame entre justement ce qui se passe actuellement en Israël au Proche-Orient et ici en France, et je pense que c'est le mot le plus juste. On ne se rend pas compte en France exactement ce qui se passe, que ce soit donc, j'ai entendu l'intervenant auparavant sur le jugement du Hamas. Mmh. Bon, le parti aussi de Benjamin Netanyahou n'est pas non plus, il est conservateur, nationaliste, mais aussi libéral. Mais on ne peut pas se rendre compte. Moi, je suis d'accord pour des manifestations, on va dire sobrement, pour la Palestine, on voit pas les même choses. Pour l'État d'Israël. On voit pas les choses très très bien d'ici. C'est ça que vous voulez nous dire, Vincent. Mais voilà, c'est pas la faute des médias. Hein, c'est pas, je accuse pas les médias. Merci pour nous. Mais il y a des choses vraiment, c'est tellement un conflit. Écoutez, c'est depuis la guerre des six jours, donc ça, c'est un conflit qui remonte il y a plus de 40 ans. Et comme il l'a aussi relevé tout à l'heure, je pense que c'est un problème tellement géopolitique que moi je serais plutôt en faveur, et d'ailleurs les États le demandent, un médiateur, et moi je serais plutôt pas pour un médiateur français, mais pour un médiateur plutôt, on va dire, européen. Merci. Une délégation européenne qui vient faire un peu comme les États-Unis avaient fait à Camp David avec Yasser Arafat. Merci beaucoup, Vincent. Et cette fameuse poignée de main. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup à vous, Pascal Boniface, d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je rappelle le titre de votre livre, La France malade du conflit israélo-palestinien, aux éditions Salvator. Dans un instant, on parle du fait maison après ce journal présenté, puisqu'il est 13h, par Mélanie Taravant. Oh, bonjour, Mélanie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. L'événement dans un quart d'heure, François Hollande en direct, notamment sur Europe 1 et à la télévision pour une demi-heure d'entretien. À l'occasion des célébrations du 14 juillet, ce matin, 4000 militaires ont défilé avec les représentants de 80 pays qui rendaient hommage à tous les soldats de la Grande Guerre. Réunion d'urgence aujourd'hui de la Ligue arabe au Caire pour discuter de la détérioration de la situation dans la bande de Gaza. Pour la première fois depuis ce nouveau conflit, une roquette tirée de Syrie est tombée sur le Golan occupé par Israël. Il n'y a pas eu de blessés. Et puis en Italie, l'opération de renflouement du Costa Concordia a commencé ce matin. À la mi-journée, tout se passe bien. La Coupe du Monde se termine par le triomphe de l'Allemagne. Elle a battu l'Argentine 1-0 après prolongation. Explosion de joie en Allemagne justement, où la presse n'en finit pas de se féliciter. David Philippot, vous êtes notre correspondant à Berlin. Et un mot est présent à la une de quasiment tous les quotidiens, c'est Weltmeister, champion du monde en allemand, avec souvent une même photo pour l'illustrer, un visage poupin, celui de Mario Götze, déformé par la joie. Götze, le buteur de la 113e minute, et Yogi Löw, le sélectionneur, sont les grands héros de la soirée. L'entraîneur national qui voit ce matin la presse lui tresser des lauriers. Yogi Löw qui, selon le Spiegel Online, a su allier à la perfection le beau jeu et la rigueur défensive. Et dans la capitale, les héros de Rio sont attendus de pied ferme. Schweinsteiger et compagnie prendront l'avion cette nuit pour atterrir demain matin à 9h à Berlin, puis défiler en bus avant d'arriver à 11h, porte de Brandebourg, épicentre de la fête, où la Nationalmannschaft pourra célébrer son 4e titre au milieu de 500 000 supporters en liesse. Merci David Philippot en direct de Berlin. L'autre événement sportif du jour, c'est le Tour de France et la première étape de montagne. Pour la première fois depuis le départ, c'est un Français qui est en jaune, Tony Galopin. Rémi Botsaron, c'est une étape que l'on va suivre avec vous tout au long de la journée. Et oui, cette 10e étape Mulhouse vers la planche des Belles-Filles, étape courte mais avec 7 ascensions répertoriées, surtout cet enchaînement dans les 30 derniers kilomètres, le col des Chevrères et la planche des Belles-Filles, deux ascensions de première catégorie, deux murs qui vont forcément faire de grosses différences. Alors même si on est le 14 juillet et même si le maillot jaune est sur les épaules d'un Français, l'homme que tout le monde attend ici, c'est un Espagnol, c'est Alberto Contador, le grand favori de ce Tour de France. Il a plus de 4 minutes de retard sur Galopin, 2 minutes 34 de retard sur son rival Nibali. Il doit attaquer et ce terrain lui convient parfaitement. Un terrain qui sera quelque peu humide. On est dans les nuages ici. Il pleut depuis des heures. Conditions sans doute difficiles donc pour une arrivée prévue un peu avant 18h. Merci Rémi Botsaron. Vous suivez donc l'étape du Tour de France pour Europe 1. Merci Mélanie Taravant. La météo Valérie Darmon. Ça y est, on sort de la grisaille. Tout dépend où en fait. Hein. Alors aujourd'hui, oui, c'est le retour des éclaircies sur la moitié ouest. C'est jamais un oui franc et massif avec vous. Mercredi, ce sera un oui franc et massif. Mais c'est vrai que là, on a encore des nuages et des averses sur le flanc est. Et demain, c'est grâce à l'anticyclone des Açores qui va s'imposer davantage qu'on va retrouver encore plus d'éclaircies pour le coup, quasiment pour tout le pays. C'est en se dirigeant vers les côtes de la Manche que le ciel va rester encore nuageux, à très nuageux, avec quelques gouttes ici ou là, et puis les températures qui vont gagner 2 à 3 degrés par rapport aujourd'hui. Demain, on sera enfin dans les normales de saison. Et la météo des plages? Alors, les plages du Nord au calme, peu agitées mais fraîches, ont sans doute entre Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, l'eau qui est à 18 degrés, les températures sur le sable à 20. De Brest à Saint-Malo, c'est pluvieux, c'est nuageux. Belle-mer calme également, entre 17 et 18 degrés, température extérieure jusqu'à 23, notamment à Saint-Malo. Entre Landes et Pays Basque, le soleil brille. Entre Lacanau et Biarritz, 22-23 degrés, l'océan est à 20, il est calme. De La Rochelle à Lorient, le ciel est plus sec et peu nuageux par moment. Là où il fait le plus beau, c'est donc sur le pourtour méditerranéen, sans surprise. Voilà, surtout sur le golfe du Lion. En Roussillon, 27 sur le sable et 19 dans une mer peu agitée. Merci Valérie Darmon. N'oubliez pas que dans 10 petites minutes, nous diffuserons l'interview en intégrale du président François Hollande. Et dans un petit instant, on parle de ce nouveau label pour les restaurateurs, le Fait Maison. Tout de suite. Europe Midi, votre journal. Pierre de Villeneuve. Alors, s'il y a bien un domaine pour lequel la France est connue et fait l'unanimité à travers le monde entier, c'est sa gastronomie. D'où ce décret sur le fait maison qui entrera en application demain. Un label sous forme de dessin de casserole avec un couvercle en forme de maison. Un label qui signifie alors que l'établissement prépare tout sur place à base de produits bruts, c'est-à-dire ni épluchés, ni pelés, ni hachés. La liste est longue comme le bras. Bonjour Alain Fontaine. Bonjour. Vous êtes le président des maîtres restaurateurs du syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs. Est-ce que pour vous ce label était nécessaire? Alors ce label était nécessaire, aussi Norcat, membre du GNI d'ailleurs, des groupements des salariés des indépendants, on s'était battu pour ce label, mais on s'est battu pour deux choses, pour les consommateurs, pour la transparence, parce que nous étions une activité où il n'y avait pas de transparence. C'est-à-dire que vous, quand vous achetez une veste ou un pantalon, vous savez d'où il vient, quels sont les textiles qui vont le composer. Eh bien, quand vous arrivez devant un restaurant, vous ne savez pas s'il y a un cuisinier ou s'il y a un coupeur de sachets, s'il y a quelqu'un qui fait la pertinence du geste qui fait un travail de cuisinier. Ça, c'était côté consommateur. On leur devait la transparence, elle était demandée. Côté restaurateur, c'est la reconnaissance de notre métier qui est très importante. C'est une première étape pour la reconnaissance de notre métier de tous les restaurateurs de France, ceux qui vont faire du fait maison. Il y a le label Maître Restaurateur qui est au-dessus de ça. Ouais. Mais ça concerne maison, que 2500 restaurants. 2600, peu près, hein, tout à fait. Il y a des grandes chaînes de restauration qui ont des laboratoires. Alors, c'est dans quelle catégorie du coup? Alors, les grandes chaînes de restauration qui ont des laboratoires, à partir du moment où c'est fait dans le, c'est fait pour c'est fait le maison restaurant, dans le laboratoire. C'est fait maison dans le laboratoire. Du coup, c'est fait maison. C'est fait maison, bien évidemment. Mmh. C'est le cas des traiteurs. Par exemple, les traiteurs vont travailler chez eux des produits pour un mariage ou autre. À partir du moment où c'est eux-mêmes qui vont faire le mariage, bien sûr, qui vont exploiter cette prestation, eh bien oui, ça sera fait maison. Oui, les traiteurs ont droit au fait maison. Oui. En gros, quand je vais dans un restaurant lambda, tout est fait à l'avance? Ah bah c'est justement ça le problème. Vous pouvez avoir des restaurants où effectivement tout peut être fait à l'avance. Les restaurateurs se disent on va au plus simple et ça coûte moins cher, donc on fait quand même certaines choses à l'avance. Ah, tout à fait. Alors, il y a deux choses. Il y a une mise en place avec des produits bruts, et puis vous avez une mise en place qui n'en est pas une, où vous faites rentrer des plats finis, des produits finis, et vous avez plus qu'à passer au bain-marie ou au... Ça va faire grimper les prix, ce label? Non, je ne pense pas, parce que nous, au niveau des maîtres restaurateurs, on sait très bien que être maître restaurateur, ça coûte pas plus cher. C'est simplement mettre en évidence notre passion, et ça coûte pas plus cher parce qu'on fait une économie quand même en achetant des produits brut et frais. Là, pour le fait maison, attention, c'est des produits bruts. Merci beaucoup d'avoir été sur Europe 1 en direct pour si peu de temps, Alain Fontaine. Votre restaurant, le Mesturet, est à Paris, dans le 2e arrondissement. C'est ouvert ce 14 juillet? Bien sûr, on est ouvert. On peut aller déjeuner avec vous. Dans un petit instant, l'interview de François Hollande, un intégral sur Europe 1. À tout de suite. Europe 1. Europe Midi, votre journal. Pierre de Villeneuve. Et dans quelques petits instants, l'interview en intégrale sur Europe 1 de l'interview de François Hollande. François Hollande qui sera interviewé par nos confrères Gilles Boulot de TF1 et David Pujadas de France 2. Dans quelques petits instants, donc, ce discours. Alexandre Carra, bonjour. Vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. Vous parliez tout à l'heure dans le journal d'une tâche pour François Hollande, c'est la représidentialisation. Oui, il y a du boulot, hein. Et au menu, forcément, aujourd'hui, beaucoup d'économies, hein. Il sera bien sûr question de cette croissance qui se fait toujours attendre, des nouvelles mesures pour tenter d'endiguer le chômage et puis évidemment de la question de la pression fiscale dont le gouvernement espère, entend amorcer la décrue en 2015. Alors le président de la République tentera également de remettre en perspective l'action du quinquennat, mais aussi de se tourner un peu vers l'avenir avec l'idée qu'après le temps des économies viendra en 2015 le temps des réformes touchant la vie quotidienne des Français. Il y aura également au menu le budget des armées qui devrait être sanctuarisé. On parlera ce aussi jour très particulier qu'est le 14 juillet. Évidemment, et on parlera évidemment des interventions extérieures. Il sera aussi question de politique étrangère. Hein, on parlera probablement du conflit israélo-palestinien. Bref, vous l'avez dit, une intervention importante pour François Hollande, alors qu'il connaît une très légère embellie en ce moment dans les sondages. On verra s'il arrive à garder cette hauteur qu'il tente de prendre depuis quelques semaines pour incarner, vous l'avez dit au début, un peu plus la fonction présidentielle. François Hollande qui n'a pas parlé depuis le 6 mai dernier. Hein. Exactement, il l'avait fait à l'occasion de l'anniversaire de son élection. C'était sur un média, là c'est une intervention un peu plus solennelle. Hein. Mmh. Après, il y a 2 ans, quand il était arrivé au pouvoir, on l'avait vu s'exprimer à l'époque de l'hôtel de la Marine. Il avait choisi de quitter l'Élysée à ce moment-là. Il avait fait un pas de plus vers l'Élysée l'année suivante, en 2013, puisque c'est des jardins de l'Élysée qu'il s'était exprimé. Cette fois, ça sera du Salon des Portraits, l'une des pièces de l'Élysée réservées normalement au déjeuner ou au dîner officiel restreint. On écoute tout de suite Alexandre, voilà. Le président de la République. Et bon 14 juillet, bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Bonne fête nationale. Merci de nous recevoir ici avec Gilles Boulot pour évoquer des questions d'actualité, pour évoquer ce qui va se passer dans les mois à venir, pour parler aussi du bilan. Il y a un an, ici même, à cette place, devant les Français, vous disiez « la reprise est là ». Il y a 2 mois, nos confrères du Journal du Dimanche, vous disiez « le retournement économique est là ». Depuis, il n'y a eu ni reprise, ni retournement. Vous êtes presque à mi-mandat. Est-ce que vous assumez ces résultats? Est-ce que vous avez péché par optimisme? J'ai fait depuis 2 ans ce que je pensais être mon devoir et l'intérêt de la France, c'est-à-dire poser les bases du redressement, aussi bien sur le plan des comptes publics que sur le plan de la compétitivité. Nous sommes sortis de la crise, ce qu'on appelait la crise de la zone euro. Et l'année dernière, c'est vrai, exactement à la même place, j'ai dit la reprise est là. Et ça ne s'est pas produit. La reprise, elle est là, mais elle est trop fragile, trop hésitante, elle est là, trop vulnérable. C'est pas ce que dit l'INSEE. Oui, enfin, on est à moins de 1%. Ce n'est pas acceptable. 0% au deuxième trimestre. Oui, mais au-delà des chiffres, on n'est plus dans la récession, on n'est pas dans la crise, on est dans une faible reprise. Alors qu'est-ce que j'ai décidé, c'était le 14 janvier, d'accélérer, d'amplifier et de ne pas attendre simplement que la reprise se confirme venant d'Europe ou venant du monde. Parce que la France ne peut plus attendre. Et c'est pourquoi il y a eu le pacte de responsabilité et de solidarité. Mais lui-même ne produira que ses effets que dans deux ou trois ans, selon les économistes. Est-ce on va attendre d'ici déjà là. Déjà au mois de mai, il y a eu le versement de près de 10 milliards d'euros aux entreprises pour l'emploi. Pas au patronat pour des dividendes, aux entreprises pour l'emploi. Entreprises qui avaient payé beaucoup d'impôts avant. Vous ne leur rendez pas tout ce que leur avez pris. Enfin, que d'autres ont pris avant moi. Mais les entreprises avaient des taux de marge très faible. Ça veut dire quoi un taux de marge pour ceux qui nous écoutent? Ça veut dire des résultats qui ne te permettent plus d'investir et d'embaucher. Donc, j'ai pris cette décision, elle était lourde, de dire voilà, on va transférer aux entreprises, donc à l'emploi, 40 milliards d'euros sur les trois prochaines années, en commençant dès l'année 2014. Alors ça va mettre, c'est vrai, encore un peu de temps à produire ces effets. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu qu'il y ait un pacte. C'est quoi un pacte? C'est un rassemblement. On est le 14 juillet. Il y a un moment où il y a des causes qui nous réunissent. L'emploi, la croissance, ça doit mobiliser toutes les énergies. Le pacte, c'est des entreprises qui reçoivent 40 milliards d'euros pendant 3 ans. Ce sont des salariés qui demandent des comptes et qui veulent vérifier ce que les entreprises feront de ces moyens qui leur sont affectés. Et puis, c'est l'État qui, pour verser ces fonds, va réaliser 50 milliards d'euros d'économies sur 3 ans. Et donc, c'est une question de confiance entre tous ces acteurs-là. Et c'est la confiance. Vous avez parfaitement raison. Avez-vous induit cette confiance-là? Avez-vous le sentiment de l'avoir provoquée? Vous savez, est-elle là? Les Français, aussi bien les ménages que les entreprises, se disent, mais est-ce que de mesure en mesure, on y voit clair? Il y a des annonces qui sont faites un jour, le lendemain, avec ce sentiment que tout peut être contredit. Eh bien, je n'ai pas voulu m'engager dans cette voie. Et le pacte de responsabilité et de solidarité, c'est quoi? C'est de dire, voilà, pendant 3 ans, vous connaissez la donne. Ce que va faire l'État, des économies. Ce que va faire l'État, diminuer les impôts pour les ménages. Le Premier ministre a déjà fait un certain nombre d'annonces, j'y reviendrai. Et puis, pour les entreprises, baisser le coût du travail. Pourquoi le coût du travail? Parce que c'est là qu'on est en difficulté par rapport à des concurrents. Mais en même temps, permettre à des entreprises d'investir, baisser donc le coût du travail et la fiscalité sur les entreprises. Monsieur le Président, ces entreprises, elles n'ont pas l'air convaincues. Vous avez reçu un appel des 8 organisations patronales qui disent « on ne voit rien venir, ça va trop lentement, on n'est pas certain de la pérennité de ce dispositif ». Je leur ai répondu. Je le fais d'ailleurs ici devant vous. Vous voulez de la pérennité? Je vous mets sur la table avec une garantie. Les parlementaires viennent de voter les textes. Ce qui va se produire du côté de l'État pendant 3 ans. Soutien aux entreprises, baisse d'impôts pour les ménages, économie budgétaire. Tout est connu. Mais tout est maintenant sur la table et rien ne sera modifié. Alors les entreprises, je leur dis, maintenant c'est à vous aussi de marquer votre confiance. Elles en veulent toujours trop? Jean-Christophe Cambadélis a dit, les entreprises, les patrons, c'est take the money and run, prends l'oseille et tire-toi, elles mon en veulent rôle, toujours plus. Mon rôle, c'est pas de mettre au pilori les uns les autres. Mais vous c'est vous de leur dire, maintenant, on doit être ensemble. C'est un pacte. C'est un pacte, on n'a pas les mêmes idées. On n'a pas toujours les mêmes intérêts. Sauf que je suis responsable de l'ensemble. Donc, c'est un pacte. Les entreprises, elles doivent maintenant faire ce à quoi elles sont engagées. Je ne me rappelle pas ici les badges qui ont été portés. Il y a donc déjà, en ce moment même, des discussions qui se font dans les grandes branches de l'économie, ce qu'on appelle les grandes entreprises, mais aussi les petites et les moyennes, pour aller dans le sens de la création d'emplois. Je vais prendre juste un exemple. Dans ce qu'on appelle la chimie, il y a eu un accord qui a été signé suite au pacte de responsabilité. Les entreprises se sont engagées à recruter 45 000 salariés en CDI et à former 5 000 apprentis. Voilà, c'est ça le pacte. C'est-à-dire que maintenant, ça va discuter branche par branche, entreprise par entreprise, pour utiliser au mieux ce qui a été transféré aux entreprises. Monsieur le Président, il n'y a jamais eu, depuis que les statistiques existent en France, autant de chômeurs en France. 3,4 millions au sens strict du terme et peut-être 5,2 millions au sens large du terme. Rien de ce que vous avez fait n'a vraiment marché. Pourquoi ne faites-vous pas ce que les Danois, les Suisses, les Américains, les Britanniques ont fait ? Qui a marché ? Ils sont entre 5 et 7% de chômeurs. Nous sommes à 10,4. Nous sommes en France à un taux de chômage depuis des années autour de 10% de la population active. Et ce n'est pas toujours les mêmes. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui même, là je parle, 5 millions de personnes qui sont ou au chômage ou dans la précarité. Moi je ne peux pas l'admettre. Alors en même temps, je ne vais pas dire comme d'autres, nous avons tout essayé, nous allons attendre. Non, nous n'allons pas attendre. Et nous n'avons pas tout essayé. Il y a le pacte de responsabilité. Je pourrais m'arrêter là en disant, voilà, j'ai fait les choix. Mais quand je vois qu'il y a encore un jeune sur quatre qui est au chômage, je parle de ceux qui sont sortis du système scolaire, quand je vois qu'il y a, pour un million de personnes, deux ans de chômage, donc je me dis, là, il y a un rendez-vous à prendre. À la rentrée, il y aura une rencontre, je la présiderai moi-même, pour lever tous les obstacles par rapport à l'apprentissage. Je dis bien tous. Ce que peut faire l'enseignement public de plus. Ce que peut faire l'État. L'État, il y a 700 apprentis seulement dans l'État, dans la fonction publique d'État. Comment l'admettre ? Ce que peuvent faire les entreprises en plus. On va tous s'y mettre. Objectif, 500 000 apprentis d'ici 2017. Pourquoi je prends cet exemple ? Parce que c'est souvent celui qui nous est donné. Vous venez d'évoquer des pays. Ils ont fait le choix de l'apprentissage. Ils ont d'ailleurs tous fait des choix différents, mais aucun n'a fait le choix français. Eh bien, celui des 35 heures, celui du code du travail. Nous avons simplifié un certain nombre de dispositifs du code du travail. Je vous rappelle qu'il y a eu un accord qui a modernisé le marché du travail. Il y a heureusement un certain nombre d'applications. On peut aller plus loin et ça va se faire. Car c'est ma méthode, par le dialogue et à un moment, la décision sera prise. Le dialogue, c'est nécessaire. C'est la condition pour qu'on puisse se rassembler. Et à un moment, je décide. Pourquoi ? Je décide parce que je sais qu'il y a trop d'attentes. Donc je fais toute sa place. Il y a eu la conférence sociale. Toute sa place au dialogue. Et à un moment, les décisions sont prises. Et je ne tarde pas à les prendre. Et par exemple, sur comment on peut encore simplifier, favoriser l'embauche, permettre que l'on puisse avoir des seuils qui soient assouplis. Oui, tout ça sera fait d'ici la fin de l'année, après concertation. Et après, décision. Monsieur le Président, pourquoi ne peut-on pas, à 500 mètres d'ici, sur les Champs-Élysées, travailler le dimanche ? Pourquoi ne peut-on pas ouvrir une boutique de parfumerie à 21h05, alors que les touristes le réclament ? Mais il y a des possibilités de le faire. Pas tous les dimanches, et non, très rarement, avec des autorisations particulières. Pourquoi n'est-ce pas possible, comme dans d'autres grandes capitales ? On a assoupli, vous avez vu ce qui a été décidé, c'était le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Mais aujourd'hui, si un maire fait une demande de classement d'une zone touristique. Et c'est encore administré, c'est encore... On ne peut pas décider que tout le monde va travailler le dimanche, mais ils refusent. Mais les autres pays ne le font pas, donc, mais ils ont assoupli. Assoupli, oui. Permettre qu'il y ait des zones touristiques dans des grandes villes, et notamment la capitale. Bien sûr, faire que nous puissions payer davantage ceux qui travaillent le dimanche, parce que c'est aussi une condition. Ça suppose des accords. Donc, là aussi, j'ai une démarche. Si c'est possible, on le fait. On le fait dans le dialogue, on le fait dans la concertation avec les élus, et on le fait. Il ne doit y avoir aucune limite dès lors que les intérêts des salariés sont protégés et qu'on crée de l'emploi. Parce que moi, je ne veux pas de solution où c'est simplement pour faire plaisir à telle ou telle catégorie. Il faut que ça crée de l'emploi. Il y a une personne qui semble assez critique, puisqu'on parle de votre bilan sur ces deux premières années, c'est votre Premier ministre. Quand il était à Vauvert et qu'il a prononcé son discours, on a senti clairement entre les lignes qu'il critiquait ces deux premières années de mandat. Lorsqu'il dit, bien sûr, il y a eu des réformes, elles ont été trop lentes et peu claires. La France est enlisée, la France est entravée. Est-ce que vous n'avez pas, dans votre gouvernement, deux lignes, la sienne, qui veut aller très vite, et la vôtre ? On peut tout interpréter et on fait généralement fausse route. Le Premier ministre, puisque vous en parlez. Il est dans le gouvernement depuis 2 ans. Et il y travaille. D'abord comme ministre de l'Intérieur, maintenant comme Premier ministre. Qu'est-ce que j'ai fait depuis 2 ans ? D'abord avec le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, maintenant avec Manuel Valls. Poser les bases, je les ai indiquées. J'ai fait le pacte de responsabilité. Maintenant, il est mis en œuvre. Mais vous l'avez entendu, Manuel Valls. Il semble dire qu'on a été trop lentement. Est-ce qu'il dit, Manuel Valls, c'est qu'il ne faut pas aller forcément trop vite, au risque, vous en connaissez d'ailleurs, des exemples, des illustrations de ceux qui veulent tout précipiter, qui ne font rien, et ça fait de l'immobilisme et conflit. Et en même temps, il faut aller vite. Et c'est la marque que je veux donner. Il n'y aura jusqu'à la fin de mon mandat, pas une minute ne sera perdue pour la réforme. C'est-à-dire que chaque fois que nous pouvons avancer, nous le faisons. Sur quel sujet ? Les apprentis, je viens d'en parler. Le chômage de longue durée, nous allons agir dès le mois de septembre avec une négociation avec l'ensemble des partenaires sociaux et des décisions seront prises. L'investissement, parce que c'est la condition de la croissance. Il y a aujourd'hui des financements qui n'arrivent pas à l'investissement. Combien d'entreprises nous disent « je voudrais bien investir ». Ce n'est pas simplement un problème de coût, c'est un problème d'accès au crédit. Eh bien, on l'a créé, justement, depuis 2 ans, la Banque publique d'investissement, on a fait la loi bancaire. Eh bien, je réunirai les assises avec toutes les banques, tous les établissements financiers pour investir davantage. Monsieur le Président, les gens se posent la question. Il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre vous et votre Premier ministre sur le rythme, sur la volonté ? Mais si il y avait le moindre différent, il n'y aurait pas de possibilité pour agir. Pensez que je nomme un Premier ministre, que je le choisis pour qu'il fasse une politique que je ne voudrais pas. Il défendait d'autres options à la primaire. Mais on n'est pas là à la primaire, on est aux responsabilités du pays. Et on a un devoir qui est la réussite. Et ce devoir nous engage, le Premier ministre, les membres du gouvernement, il y a des personnalités, toutes doivent être vers le service de la France. Alors, on ne peut pas mettre je ne sais quelle feuille, même de papier à cigarette, ce qui est très fin. Il n'y a rien qui peut nous séparer sur cet objectif-là et sur les moyens. Si j'ai choisi Manuel Valls, c'est parce qu'il met de l'efficacité, il met de l'organisation et il met aussi de la rapidité. Juste un dernier mot sur l'économie et la finance. Vous disiez, il n'y a pas si longtemps, la finance, c'est mon ennemi. Est-ce que c'est toujours votre ennemi ? Est-ce que le fait que vous ayez recruté comme conseillère économique ici à l'Élysée une femme, Laurence Boone, qui était dans une banque américaine, Merrill Lynch, Bank of America, n'est pas le fait que vous avez, ne trahit pas le fait que vous avez changé d'avis sur la finance ? Mais on devrait dire le contraire. Qu'une femme qui est cadre dans une grande banque internationale vienne ici, ça prouve qu'elle a aussi le sens de l'intérêt général, qu'elle aime son pays et qu'elle préfère être au service de l'État qu'au service d'une entreprise, fût-elle une grande banque. Qu'est-ce que c'est que la finance ? C'est celle qui nous contraint, c'est celle qui nous soumet. Quand je suis arrivé aux responsabilités, il y avait des taux d'intérêt qui étaient relativement élevés. C'est ça le poids de la finance quand elle vous fait payer le coût du capital. Aujourd'hui, les taux d'intérêt pour les emprunts de l'État ou pour les crédits des entreprises, ces taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. La finance, nous avons créé une taxe sur les transactions financières. La finance, nous avons fait une loi qui sépare les activités à risque des banques des activités d'épargne et d'investissement. Mais la finance, nous en avons aussi besoin pour les investissements. C'est pour ça que nous avons créé une banque publique d'investissement. Mais je veux m'adresser aussi au système bancaire, parce que je me mets à la place de beaucoup de petites entreprises qui ont besoin absolument de crédit de trésorerie, sinon elles meurent, ces entreprises. Et donc mon devoir, c'est de faire que nous puissions financer au mieux l'économie française. Les Français qui nous regardent se demandent combien d'impôts ils vont payer en 2015, 2016, 2017. Vous avez beaucoup augmenté les impôts, les taxes, les charges, 30 milliards en 2 ans. Vos prédécesseurs avaient fait mieux, si l'on peut dire, un petit peu plus. Enfin, donc mieux au sens pire, mais je vous remercie de l'avoir précisé. Vous aviez dit, je crois, que les impôts allaient baisser pour les ménages en 2015, de 2 milliards, en tout cas 5 milliards pour les 3 prochaines années. Et votre ministre, Arnaud Montebourg, dit 15 milliards. Qui faut-il croire et combien allons-nous payer d'impôts ? Bon, les impôts, c'est un sujet sensible. Donc, concret. Et concret. Et comme vous l'avez parfaitement dit, les Français en ont payé beaucoup. Je peux donner d'ailleurs quelques exemples. Parce que le taux des prélèvements obligatoires, le taux de la fiscalité, des cotisations, c'est 45% de la richesse nationale. C'est beaucoup. Donc, il y a plus de Français qui payent l'impôt sur le revenu aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce processus. Alors, ça ne va pas commencer en 2015. Ça va commencer dès cette année. C'est-à-dire, en 2014, il va y avoir une partie de ceux qui payaient les impôts sur le revenu qui n'en paieront plus. Un peu plus de 3 millions de ménages. Oui, c'est comme 3 millions qui vont payer, un peu plus de 3 millions qui vont payer moins. Et puis plus d'un million qui n'en paieront. Sortiront. Ça, c'est pas en 2015, ça va se faire dès cette année. Est-ce qu'on aura davantage l'an prochain ? En 2015, pourquoi on fait des économies budgétaires ? Pourquoi on fait en sorte que l'État, même la sécurité sociale, les collectivités locales, on parlera de la réforme territoriale, dépensent moins pour faire des économies ? Qu'est-ce qu'on fait de ces économies ? On les fait en sorte de les investir dans les entreprises pour qu'il y ait de l'emploi, et puis on fait en sorte que les Français payent moins d'impôts. 2014, 2015, il y aura un effort supplémentaire pour les catégories moyennes, même si beaucoup de Français se considèrent dans les catégories moyennes, mais il est légitime que celles qui ont été beaucoup touchées ces dernières années puissent être finalement récompensées des efforts qui ont été faits. On a parlé d'un million et demi à 2 millions de ménages, c'est l'ordre de grandeur, en plus ? Je pense que là, il faut être prudent. On fera en sorte qu'il y ait plusieurs centaines de milliers de Français qui payent moins d'impôts. Mais je vous ferai connaître les décisions le moment venu, parce que je ne veux pas promettre ce qui n'est pas possible de tenir. Un dernier mot sur l'économie, puis il nous reste quand même pas mal de sujets. On parlait d'Arnaud Montebourg. Est-ce que, pour vous, l'Europe, on sait que la zone euro, comme la France n'est pas isolée, est le continent qui connaît le moins de croissance dans le monde. Est-ce que cette politique d'austérité en Europe est finalement le principal frein à la croissance ? Matteo Renzi disait le pacte de stabilité, c'est le pacte de stupidité. Est-ce que vous diriez comme lui ? Dès que je suis arrivé ici, j'ai fait en sorte de convaincre les Européens que, bien sûr, nous devions faire des efforts. Sans succès. Faire des efforts, éviter les déficits, maîtriser la dette. C'est bien légitime, on est dans le même espace monétaire. La France a fait sa part. D'autres pays ont fait, vous avez raison, des plans d'austérité, mais extrêmement durs sur les salaires, la protection. Bien sûr, trop durs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces pays sont devenus certes plus compétitifs, mais à quel prix ? D'une croissance qui s'est éteinte. Mais, comme je l'ai dit, la reprise, elle est là. Alors, ne la gâchons pas par des politiques d'austérité qui ne devraient pas être prolongées au-delà du nécessaire. On a le sentiment que l'Allemagne reste inflexible. Non, l'Allemagne, elle fait en sorte d'abord de relancer sa demande, puisqu'ils vont introduire un SMIC. Vous vous rendez compte, il n'y avait pas de SMIC en Allemagne. Donc, mais il y avait moins de chômeurs. Enfin, si on pense que c'est le SMIC qui crée le chômage, ce n'est pas ma thèse. Beaucoup d'économistes le disent. Oui, mais je considère qu'il vaut mieux baisser le coût du travail que de baisser les salaires des SMICards ou des travailleurs. Donc, l'Allemagne fait en sorte de relancer sa demande. Il est temps. Et puis, j'ai, avec Matteo Renzi, Premier ministre italien, convaincu beaucoup de nos collègues, notamment pour le travail de la prochaine commission, qu'il fallait donner priorité à la croissance. Sont-ils convaincus ? Ils disent, utilisons toutes les marges de manœuvre que le pacte de stabilité, ce pacte qui est celui pour réduire les déficits, nous autorise. Donc moi, ma position, elle est très claire. La France, c'est un grand pays. Qu'est-ce que c'est qu'un grand pays ? C'est un pays qui est capable de respecter ses engagements et qui met en ordre ses finances publiques. C'est un pays qui doit redresser sa compétitivité. Mais c'est un pays aussi qui est capable d'élever la voix pour dire « Attention, nous devons non pas prendre notre temps, mais nous devons utiliser, dès lors qu'on fait des réformes comme je les ai évoquées, ces réformes très importantes pour la compétitivité, pour le travail, dès lors que nous faisons toutes ces réformes, il faut que nous puissions avoir aussi des marges qui nous permettent de ne pas faire justement d'austérité. Je voudrais que nous parlions des dossiers étrangers. Il est un dossier qui est particulièrement brûlant. C'est le Proche-Orient depuis 7 jours, 8 jours. Israël d'un côté, le Hamas à Gaza de l'autre se battent. C'est une guerre ouverte. Dans un premier temps, vous avez semblé prendre le parti d'Israël en disant Israël a le droit légitime de se défendre. Et dans ce premier communiqué, vous ne mentionniez pas les pertes civiles palestiniennes. Et puis il y a eu ensuite un autre communiqué. Était-ce un oubli ou de la précipitation ou était-ce le fond de votre pensée ? Qu'est-ce qui s'est produit ? D'abord, il y a eu 3 jeunes Israéliens qui ont été assassinés. Puis ensuite, il y a eu un jeune Palestinien qui a été lynché, brûlé vif, par des extrémistes israéliens. Et puis ça a été l'escalade. Des tirs de roquettes venant de Gaza sur Israël, et puis la riposte d'Israël sur le territoire de Gaza, avec effectivement de nombreux morts dans la population civile. Dramatique. parfois des enfants. Donc qu'est-ce que j'ai dit ? Israël a droit à sa sécurité. Israël peut se défendre si il est attaqué, et en même temps, Israël doit avoir de la retenue, doit avoir de la réserve par rapport à des actions. Et surtout, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'il fallait que très rapidement, tout de suite même, un cessez-le-feu puisse être décidé. Est-ce qu'il y a un agresseur et un agressé ? Mais aujourd'hui, il y a des tirs de roquettes qui ont été envoyés de Gaza, et puis il y a eu l'escalade. Je vous ai dit, 3 Israéliens qui sont tués, un Palestinien qui a été lynché, et puis de nombreuses victimes civiles dans la population palestinienne. Vous les renvoyez deux à deux ? Non, je ne veux pas ici dire qu'on est pro-israélien ou pro-palestinien, on est pour la paix. Le rôle de la France, c'est quoi ? C'est d'aller chercher toutes les médiations. Qu'est-ce que je fais depuis plusieurs jours ? Aller convaincre tous ceux qui peuvent avoir une influence sur le Hamas, sur la bande de Gaza, et en même temps faire ensuite pression sur Israël. Parce que la situation au Proche-Orient peut être explosive et peut causer des pertes très significatives. Et puis, je ne veux pas qu'il y ait des conséquences aussi en France. Il y en a eu la nuit dernière. Le conflit israélo-palestinien ne peut pas s'importer. Il ne peut pas y avoir des manifestations. Oui, bien sûr, c'est une liberté. Mais en même temps, il ne peut pas y avoir de dérives et de débordements. Il ne peut pas y avoir d'intrusion dans des, ou de volonté d'intrusion dans des lieux de culte. Que ce soit des synagogues, comme ça s'est passé hier. Mais je dirais la même chose pour les mosquées, pour les églises ou pour les temples. Ce n'est pas des pays laïcs. Les religions doivent être respectées. Toutes les religions doivent être sanctuarisées, ces lieux de culte. Donc, je le dis très fermement, il n'y aura aucune tolérance par rapport à telle ou telle intrusion ou par rapport à tel ou tel débordement. Parce que l'antisémitisme ne peut pas être utilisé parce qu'il y a un conflit entre Israël et la Palestine. Par ailleurs, la France, qu'est-ce qu'elle veut, la France ? Qu'il y ait un État palestinien à côté de l'État d'Israël. C'est la position constante de la France et je n'en changerai pas. Il nous reste un peu plus de 5 minutes. Avez-vous l'intention, Monsieur le Président, dans les 2 années pleines à venir de votre quinquennat, de repartir dans des réformes de société ? On n'a pas très bien compris, par exemple, sur le droit de vote des immigrés extra-communautaires aux élections locales, si vous alliez relancer cette réforme ou si vous alliez l'oublier. C'était dans votre programme. Oui, mais qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Et qu'est-ce que je veux faire jusqu'à la fin de mon mandat ? Cette année, l'année 2014, c'est l'année des grandes réformes économiques. On j'ai en a parlé, parlé du pacte de responsabilité, du plan d'économie budgétaire, des baisses d'impôts qui s'étaleront pendant les 3 prochaines années. L'année prochaine, nous allons faire des réformes qui concernent la santé. On a commencé avec l'annonce du tiers payant, parce que la santé, c'est l'essentiel pour nos concitoyens. Il y aura aussi une réforme majeure à laquelle je tiens sur l'accompagnement du très grand vieillissement. Ça concerne des millions de familles. Je veux que la jeunesse soit toujours la priorité, l'éducation, le numérique. Nous allons lancer un grand plan pour le numérique à l'école. Nous l'avons déjà accompli pour une part, mais il faut aller beaucoup plus loin. Moi, je veux que la France soit exemplaire sur le numérique à l'école, qu'on soit les meilleurs si c'est possible. Et puis, nous allons faire en sorte qu'il y ait la relance du service civique. Nous sommes le 14 juillet, fête nationale. Les militaires ont défilé. Moi, dans ma génération, il y avait le service militaire. Je l'ai fait. Aujourd'hui, il y a des milliers de jeunes qui veulent être utiles. Il y en a déjà beaucoup. Il existe déjà, le service civique. Oui, et donc, je voulez veux le revivifier. Qu'il soit, qu'il y en ait plus qu'il y en a aujourd'hui. Comment ? 100 000. Alors, on va faire en sorte qu'il y ait, puisqu'il y a beaucoup de demandes qui sont faites, qu'on y mette les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif. Parce que je veux qu'il y ait un engagement, qu'il y ait une volonté. Pour la nation. Pour la nation. Que tous ces jeunes qui ont envie, à un moment, d'être utiles dans une association humanitaire pour aider à créer un emploi, ça arrive. Pour favoriser la création d'entreprises. Pour la cohésion. Pour la cohésion dans les quartiers, dans l'espace rural. Par exemple, là, c'était le centenaire de la Première Guerre mondiale. Il y a eu des jeunes en service civique qui ont fait plein d'expositions, plein d'accompagnements. Voilà, ça, c'est un grand projet. C'est ce que nous allons faire. Santé, grand âge, jeunesse, éducation, et puis il y a les réformes de société et les réformes institutionnelles. Alors le droit de vote. Eh bien, toutes ces réformes, elles viendront en 2016. On n'y avait pas annoncé au droit de vote. En 2016. Vote. Pourquoi, à la fin, même s'il peut y avoir des réformes de société qui peuvent être accomplies d'ici là, mais pourquoi en 2016? Parce que je veux que ce soit le fruit d'un consensus. Mais il n'y en aura pas, vous le savez bien. Mais pourquoi il n'y en aurait-il pas? Il vous faudra 3/5 des voilà, élus de la nation. Mais les aurez-vous? Mais ça, c'est pour le droit de vote des étrangers, justement. J'y suis favorable, chacun le sait, uniquement pour les élections locales. Je n'ai pas voulu aborder le sujet avant les élections municipales. On nous aurait dit, vous voulez instrumentaliser. Mais peut-on comprendre que des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, ne puissent même pas voter pour l'élection qui concerne Mais les positions commune. Sont tranchées là-dessus. Eh bien, les esprits devront évoluer. Mais vous avez raison, il faut une majorité, parce que c'est une réforme constitutionnelle des 3/5. Mais moi, je ne renonce pas à ce que des majorités se constituent. Parce que, notamment sur les institutions, nous y reviendrons, il y a des modernisations à faire. Nous avons fait sur la transparence, on va avoir les résultats. On a fait sur le non-cumul des mandats. Moi, je suis pour l'indépendance de la justice, renforcée. C'est la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, toutes ces réformes, puis il peut y en avoir d'autres, sur aussi les modes de scrutin, tout sera abordé juste avant l'élection présidentielle de 2017. Donc la réforme, elle est organisée. Mais avant, nous devons nous redresser économiquement. La priorité, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de chômage. Et si vous m'interrogez, quelle est la situation que je voudrais laisser à la fin du mandat? Parce que moi, je vais réformer. Ou est-ce que vous fixez un autre objectif ou un autre pronostic, comme vous l'aviez fait l'an dernier? Je veux qu'à la fin de mon mandat, en 2017, les Français vivent mieux que lorsque je suis arrivé aux responsabilités. Ça veut dire moins de chômage et plus de pouvoir d'achat, moins d'impôts aussi. Monsieur le Président, vous parliez il y a un instant de la justice, du respect de la justice et de son indépendance. Votre prédécesseur, ici à l'Élysée, a été mis en examen, placé en garde à vue. Et dans une interview télévisée, il a affirmé que la justice, pour ce qui le concerne, avait été instrumentalisée. Que saviez-vous de ce qui était, du sort qui était réservé à M. Sarkozy? Êtes-vous intervenu et votre gouvernement, d'une manière ou d'une autre, est-il intervenu? Moi, je ne vais pas faire de commentaires. Pourquoi? Parce que je suis le président de la République. Et donc, je dois poser des principes. Le premier principe, c'est l'indépendance de la justice. Nul ne doit intervenir, et encore moins au sommet de l'État, sur la justice. Vous ne l'avez pas fait. Mais je ne l'ai non seulement pas fait, mais je ne peux même pas y avoir songé. Parce que c'est tellement contraire, et à ma conception de la démocratie, mais également à l'esprit de ma responsabilité. Et ceux qui peuvent imaginer qu'ici, on puisse avoir une influence sur la justice, non seulement ne comprennent rien à ce qu'est mon état de pensée, mais ne comprennent rien à ce qu'est l'exigence de la part de nos concitoyens, de l'indépendance de la justice. Il y a une petite phrase qu'on vous attribue, que vous auriez prononcée devant des députés socialistes, où vous disiez « je le suis, je sais ce qu'il fait » en parlant de votre prédécesseur. Est-ce que vous l'avez prononcée? Cette phrase n'a jamais été prononcée. Il y a la politique, où on doit toujours entendre ceux qui s'expriment, même quand ils sont discrets. Mais il y a la justice. Et en l'occurrence, il y a des affaires. Donc, laissons la justice faire son travail. Et surtout, ne la soupçonnons jamais. Et si on est mécontent d'un juge, peut arriver, comme tout justiciable, eh bien, il y a des procédures. Donc, indépendance de la justice. Deuxième principe, présomption d'innocence. Et donc, et ça vaut pour tout le monde, du citoyen le plus modeste à celui qui a pu exercer la responsabilité la plus élevée. Chacun doit être certain qu'il est présumé innocent avant d'avoir été condamné. À ce stade de notre conversation, je voudrais vous poser quelques questions personnelles avec David. Vous disiez avant d'être élu que le pouvoir isolait. Est-ce que dans ce palais de 365 pièces, vous vous sentez isolé ou est-ce que vous avez encore ce lien tissé avec les Français que le candidat François Hollande avait si bien tissé il y a 2 ans et qui semble s'être dissous? Quand on exerce la responsabilité, que ce soit dans un palais ou que ce soit dans un immeuble moderne, c'est la même chose. Il y a un moment où il faut être au contact. Et j'essaye de l'être autant qu'il est possible. Je circule, je parle, j'écoute. Je sais ce que les Français parfois ont à dire. Pas besoin d'avoir des sondages pour ça. Ça vous blesse quand on vous hue sur le passage ? Vous dites... ça, je pense qu'il y a le respect qui est dû, non pas à ma personne, mais à la fonction que j'occupe. Et c'est très important. Parce que moi, je suis pour le respect. Le respect des institutions, le respect de la République. J'évoquais la magistrature. Donc, le respect. Mais je sors autant qu'il est possible. Et en même temps, vous avez raison de poser cette question. Parce que ce qui fait un président, c'est son autorité. Elle doit être rappelée chaque fois qu'il est nécessaire. Prendre des décisions, ne pas laisser le temps s'écouler. Parce qu'un quinquennat, c'est très court. Le temps de s'installer, on fait quelques réformes, puis après, on serait en campagne. Non. Moi, de la première minute jusqu'à la dernière minute, je ferai les réformes. Parce qu'est-ce que je veux faire ? Qu'on puisse se dire, quelle est la trace que j'ai laissée ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays ? Toutes les réformes, parce qu'il y en aura beaucoup. Des réformes, on parlait des réformes de société, il y en aura. Mais il y en a déjà eu. Mais surtout les réformes qui vont changer la France, y compris la réforme territoriale. Toutes les réformes, les plans d'économie, l'amélioration de la vie des entreprises, le droit des salariés, toutes les réformes. Mais je veux qu'on puisse se dire, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Après, on est pour, on est contre. Et donc, je suis conscient de ce que j'ai à faire. Et en même temps, je sais la souffrance de beaucoup de nos concitoyens. Parce que je sais ce que c'est que d'être au chômage. J'évoquais ceux qui le sont depuis 2 ans, qui me regardent et qui se disent « Mais alors, qu'est-ce qu'il fait pour moi ?» Je sais ce que c'est que d'être jeune et d'avoir une formation. Et parce qu'il n'y a pas d'emploi, on lui dit « Revenez plus tard, vous n'avez pas d'expérience. » Je sais ce que c'est d'être... Parce qu'on dit souvent « Vous êtes très optimiste et finalement, vous ne vous rendez pas forcément compte de ce qui est en train de se passer. » Non, ce que j'essaye de dire aux Français, c'est qu'il faut qu'ils aient confiance en eux. C'est difficile. Parce que c'est ça qui me frappe par rapport à d'autres pays. Des pays qui vont beaucoup moins bien que nous. Des pays qui vont mieux. Mais beaucoup disent du bien de leur pays. Nous, nous sommes très fiers de notre pays, tous, si on nous interroge. Surtout le 14 juillet. Mais raison de plus pour le 14 juillet. On est très fiers. Et en même temps, il y a une espèce de maladie, je dirais, qui n'est pas grave, mais qui peut être contagieuse, où on est toujours dans la déploration et le dénigrement. Il faut être fier. Moi, je dis souvent cette phrase. Ne dites pas du bien du président de la République, je ne vous en demande pas trop, du gouvernement. J'espère que ça viendra. Mais... dites du bien de votre pays. Parce que quand je suis à l'étranger, on me dit du bien de la France, de ce qu'elle fait sur le plan international, sur le plan diplomatique, sur le plan de sa défense, les opérations que nous avons engagées pour la paix, mais également pour l'innovation, pour les entreprises. Il y a plein d'entrepreneurs dans notre pays qui font valoir les atouts de la France. Il y a plein de grandes entreprises qui sont parmi les plus grandes exportatrices. Il y a plein de savoir-faire. Il y a aussi une qualité touristique, l'accueil et donc l'artisanat. Il y a des agriculteurs qui font des produits merveilleux. Donc c'est ça, la France. Des professeurs qui se dévouent. Et j'ai aujourd'hui même une pensée pour cette institutrice qui est morte, assassinée, et qui a donné jusqu'au bout le sens même de ce qu'elle voulait faire pour les autres. Décoré. Et que nous avons décoré à titre posthume. Eh bien, c'est ça, la France. Il faut qu'elle se donne à elle-même de la confiance. Et moi, mon rôle, c'est pas de faire des pronostics en disant tout va aller mieux, vous allez voir dans un an, dans 2 ans. Vous en aviez fait. J'en ai fait. Mais dire, eh bien, on doit se battre, mais surtout se faire confiance, avoir confiance. Depuis que vous êtes à l'Élysée, avez-vous le sentiment d'avoir commis des erreurs ? On en commet toujours. Et j'avais dit qu'on allait inverser la courbe du chômage. C'était toute la passion qu'on y avait mise. Toute la volonté qui était la nôtre. Et puis, ce n'est pas venu. Et j'imagine ce que ça a été. On dit, bah, finalement, vous l'avez maintenu, vous l'avez stabilisé, mais il y a encore des progressions. Eh bien, c'était une erreur que de l'avoir dit. C'était un objectif qui a permis de mobiliser tous les acteurs. Mais j'aurais pu m'arrêter là en disant, bon, finalement, on n'a pas réussi. J'ai dit, au contraire, on n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va donner une nouvelle impulsion, une nouvelle accélération. Et c'est le pacte de responsabilité et de solidarité. Monsieur le Président, une toute dernière question personnelle à laquelle vous n'êtes pas contraint de répondre, bien évidemment. Depuis le début de l'année, les Français ont un président sans première dame. Est-ce que cette situation va durer jusqu'à la fin de votre quinquennat ? Vous savez que j'ai une règle, la vie privée doit être la vie privée. Donc je fais en sorte de la mettre en œuvre, cette règle. Et lorsque j'aurai des informations à vous communiquer, je le ferai, mais je n'en ai aucune. Alors moi, j'ai ma toute dernière question aussi. Vous évoquiez la dernière minute de votre mandat. Est-ce que le statut de président de la République sous la Ve République confère, j'allais dire, aussi une particularité en fin de mandat ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est le candidat automatique de son camp à l'élection présidentielle ou est-ce que vous envisagez qu'il y ait une primaire On voit bien que certains y pensent. Eh bien, pas moi. Y compris parmi vos amis. Eh bien, pas moi. Moi, je ne pose pas cette question. La seule question que je me pose, c'est comment réussir pour mon pays. Mais vous n'excluez pas qu'il y ait une primaire à la fin du mois de juin ? Peu m'importe. Vous vous rendez compte de la question ? Est-ce qu'il y aura une primaire en 2017 ? Moi, c'est que vous y pensez forcément. Mais pensez à 2017, oui. Parce que je veux qu'en 2017, les Français vivent mieux. Et donc, chaque jour qui passe, c'est pour arriver à la meilleure situation. Mais je ne vais pas attendre 2017. Parce que pour beaucoup de nos compatriotes, c'est trop long. Ce n'est pas 2017 qui les intéresse, c'est de savoir ce qui va se passer pour la fin de l'année. On a des rendez-vous pour l'année prochaine, pour dans 2 ans. Et ma seule priorité, c'est que notre pays soit plus fort. Je vais terminer par là. Vous savez, un pays est fort quand il a, bien sûr, la capacité de se défendre. On est le 14 juillet, vous avez vu, et j'ai veillé à ce qu'on puisse maintenir les crédits du budget de la défense et sanctuariser nos armées. Pourquoi ? Alors qu'on fait des économies partout ailleurs. Parce que c'est la condition de notre indépendance. L'indépendance de la France, j'y tiens parce que c'est ma responsabilité. Mais un pays est fort aussi quand il a une économie dynamique. Quand il y a un doute, quand il y a une défiance, quand il y a du chômage, alors nous perdons de la crédibilité. Et moi, président de la République, je veux qu'à la fin de mon mandat, notre pays soit plus fort. Alors, j'ai fait des choix. Ces choix, c'est pas facile de dire à des électeurs qui attendent plus de salaire, de pouvoir d'achat. Bon, on va faire en sorte que les entreprises puissent avoir moins de charges et moins de coûts de leur travail. Celui qu'ils utilisent pour fabriquer des produits. Eh bien, je l'ai fait, ce choix. C'est pas facile de dire, on va d'abord investir avant de recueillir les fruits. Je l'ai fait. J'ai fait aussi, au début, vous l'aviez rappelé, une augmentation d'impôts. C'est pas facile, mais je n'allais pas laisser les comptes publics dériver. Je l'ai fait. Mais maintenant, nous pouvons, grâce aux économies que nous avons réalisées, distribuer davantage. Nous le ferons. Merci. Merci beaucoup, merci Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Merci, David. Bon 14 juillet à tous. Et merci de nous avoir merci. Suivis. Et voilà pour cette intervention en direct que vous avez pu suivre du président de la République, François Hollande. Décryptage avec vous au 3921 et avec Martial Youch, chef du service économie, et Alexandre Carra, chef du service politique d'Europe 1. Tout de suite. Europe 1, Europe Midi, votre journal, Pierre de Villeneuve. Et Alexandre Carra, chef du service politique, est avec nous. Alexandre, qu'est-ce qu'on retient au point de vue politique de cette intervention du chef de l'État ? Une chose est sûre, c'est que cette intervention ne marquera pas les annales, ni par son souffle, ni par ses annonces. On notera quand même 2 annonces du chef de l'État. En 2015, quelques centaines de milliers de Français verront leurs impôts baisser. Et en 2016, on verra probablement revenir, on relancera cette réforme sur le vote des étrangers aux élections locales. Alors on notera également dans le style une tentative de la part du président de la République de se présidentialiser, de se représidentialiser. Il a dit d'abord le dialogue, mais à un moment je décide. Il dit il n'y a pas une minute à perdre pour la réforme. Il leur dit tout au long de cette intervention d'ailleurs, il dit de la première à la dernière minute de mon quinquennat, ça sera la réforme. Très vite sur Manuel Valls, il dit si je l'ai choisi, c'est qu'il met de l'efficacité et rien ne peut nous séparer sur les objectifs. Pour Nicolas Sarkozy, il relance également une autre réforme, celle du Conseil supérieur de la magistrature. Et il dit surtout, nul ne doit intervenir au sommet de l'État sur la justice. Et il affirme, je ne l'ai pas fait. Enfin, on notera une question sur la vie privée. Pour l'instant, il ne veut pas donner d'informations, effectivement. Voilà. Et sur 2017, pour l'instant, la question de la primaire ou la question de me représenter n'est pas à l'ordre du jour. Peu m'importe. Voilà donc pour ce résumé rapide de l'intervention du chef de l'État au point de vue politique, au point de vue économique. Martial Youch, chef du service économie d'Europe 1, on notera donc cette phrase, plusieurs centaines de milliers de Français paieront moins d'impôts. Alors effectivement, mais vous notez aussi la grande prudence, il n'y a pas d'arbitrage encore. On sait que l'idée serait de permettre des baisses d'impôts allant jusqu'à 2 fois le SMIC pour un célibataire, c'est-à-dire que d'aller jusqu'à 2200 euros par mois et en dessous de ce seuil, de pouvoir permettre à ceux qui gagnent ça de baisser leurs impôts. Mais c'est énorme. Ça veut dire qu'on rajoute 2 millions de Français à peu près dans les baisses d'impôts. Et c'est cet arbitrage-là qui est compliqué à faire. Ce que je note aussi, c'est qu'il y a quand même dans ce discours une volonté d'être à la fois un peu moins optimiste qu'il y a un an. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'euphorie d'il y a un an où la crise était derrière nous, la relance arrive. arrivait, on est plus prudent dans ce que dit le président. Et il y a une petite gauchisation. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il estime avoir fait l'essentiel du travail en direction des entreprises. Et c'est maintenant aux entreprises de prendre le relais et de tenir leurs engagements. Il a rappelé le badge à un moment donné de Pierre Gattaz, c'est-à-dire ce million d'emplois que les entrepreneurs doivent créer. Pas vraiment d'annonce notamment sur le chômage. On lui a dit que... Non, ben, il reconnaît comme une erreur, je crois... À ma connaissance, que c'est la première fois qu'il le dit tel quel. C'est vrai. C'est une erreur d'avoir dit qu'on ferait l'inversion du chômage. Bon, bah, c'est quand même, en soi, il a dit, j'aurais pu pas, faire voilà. ça. Oui. Alors j'aurais que j'ai quand même là, voilà. amorcé une impulsion nouvelle. Mmh. Hein, voilà. Merci beaucoup à vous deux, Alexandre Cara et Martial Liu, pour ces analyses. Bien sûr, on y reviendra tout au long de la journée, notamment dans Europe Soir ce soir, à partir de 18h30 sur cette intervention du président de la République et ce qu'il a voulu passer comme message. Merci à tous de nous avoir appelés au 3921. Malheureusement, nous n'avons pas le temps de prendre vos réaction. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Franck Ferrand pour les meilleurs moments d'au cœur de l'histoire. Nous, on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi et ce débat, faut-il mettre fin au monopole des professions réglementées ? Merci beaucoup et à demain.